toi, même si tu n'es pas là, se détourne de ça. Si tu comptes à temps, garde au moins en toi la joie de vivre, le courage de continuer, cette force qui te guide, celle qui te fait avancer. Sera toujours là, et souris aux éclats. Tu n'as qu'une seule envie, à serrer dans tes bras. Si tu comptes à temps, à regarder grandir, ne crois pas ces sentiments qui te rendent. Si tu comptes attendre, garde au moins en toi la joie de vivre, le courage de continuer, cette force qui te guide, celle qui te fait avancer, la joie de vivre, le courage.